réalisé, ou là, yo réalisé, moi là aussi, viré, yo réalisé, yo réalisé, yo réalisé, yo réalisé, yo réalisé, yo réalisé, si ou pas connaître qui moun qui ka chante pour vous. Alize yo toutou, alize yo mama, y'a gana yo aimé, j'ai moi c'est pour vous. Alize moi aimé, papa dit alize. Alize yo toutou, alize yo aimé, j'ai moi c'est pour vous. Chanter, danser, pas la peine de réfléchir comme ça. Alize yo toutou, alize yo mama, y'a gana yo aimé, j'ai moi c'est pour vous. Vivre, alize, moi t'es pas arrêté sans vous. Alize yo toutou, alize yo mama, yo réalize. Tout tu vois, yo réalize. Mou ka parler toutou, yo réalize. Tout ça tout fait, yo réalize. Mou t'es pas oublié, yo réalize. Tout même viré, yo réalize. Alize, moi aimé yo réalize. Alize, gana yo. Alize, toi et moi, Alize, Alize. Mon ami, toi là, moi je connais toi. Toi venir, c'est maman quand tu as dansé. Tu es parti à ce groupe là. Tu as pris beaucoup l'argent. Hey! Mais toi, moi je connais toi, toi. Tu manges chocolat, tu manges foufou, tu manges tout. Tu manges partout, partout, hein. Même femme, toi tu manges. Oh, c'est bizarre.